إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واحمدوا ربكم أن أكمل لكم الدين وأتم عليكم النعمة ويسر لكم سبل الخيرات حتى أصبحت في متناول أيديكم من غير كلفة فلقد كان الناس فيما مضى يعانون من الوصول إلى البيت إلى البيت العتيق بأنواع الكلفة والمشقات يعانون كثرة النفقات المالية والمشقة البدنية وتحمل الأخطار أما اليوم ولله الحمد فقد أصبح الأمر يسيرا يسر الله بنعمته وفضله ما كان عسيرا فأصبحتم تصلون إلى البيت الحرام بكل سهولة ونفقات يسيرة ومراكب مريحة وأمن وافر وطمأنينة كاملة وعيش رغد فاشكروا الله أيها المسلمون على هذه النعمة واغتنموها وانتهزوا فرص الخيرات وابتدروها وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج وتزودوا من التطوع به فإن التطوع تكمل به الفرائض واعلموا أن الله فرض الحج على المسلم إذا تمت فيه شروط أربعة الأول أن يكون بالغا فأما الذي لم يبلغ فإنه لا يجب عليه الحج ولكن إذا حج فله أجره وإذا بلغ حج فريضة الإسلام وإذا سافرتم بالصغار إلى الحج فأنتم بالخيار إن شئتم فحججوهم وإن شئتم فاتركوهم وإذا حججتموهم فلهم أجر الحج ولكم أجر المعونة السبب يعني الشرط الثاني أن يكون عاقلا فأما المجنون الذي لا يعقل فلا حج عليه الشرط الثالث أن يكون حرا أما العبد الرقيق الذي يباع ويشترى فلا حج عليه والشرط الرابع أن يكون مستطيعا بماله وبدنه فمن لم يكن مستطيعا بماله وهو الفقير فلا حج عليه لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وإذا كان على الإنسان دين فإنه يقضي دينه ثم يحج لأن براءة الذمة أهم وإذا كان الإنسان عاجزا عن الحج بنفسه وعنده مال فإن كان عجزا مستمرا لا يرجى زواله فلينوب من يحج عنه مثل الكبير الذي لا يستطيع بنفسه والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وإذا كان يرجى زوال عجزه فإنه لا ينيب بل يصبر حتى يزول العجز ثم يؤدي الفريضة بنفسه. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فأما المرأة التي لا محرم لها فإنه لا يجب عليها الحج ولا يجوز لها أن تسافر بلا محرم، فإذا سافرت بلا محرم فهي في إثم ومعصية لله ولرسوله من حين تخرج من بلدها حتى يرجع إليه، فلتمكث في بيتها حتى ييسر الله لها محرما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت بغزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، والمحرم هو زوجها وكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا، يعني بنسب أو رضاع أو مصاهرة، مثل الأب والجد والابن والأخ وابن الأخت والعم والخال من نسب أو رضاع، ومثل أبي الزوج وإن على وابنه وإن نزل، وزوج البنت وإن نزلت، وزوج الأم وإن علت. فكل هؤلاء محارم للمرأة، والحكمة في وجوب المحرم استصحاب المحرم للمرأة حفظ المرأة وصيانتها. ثبت الله خير الله et soyez reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il vous a complété la religion et parfait cette religion, cette grâce pour vous, et il vous a rendu les œuvres du bien et le chemin vers le bien très facile à un point tel que maintenant il est devenu facile à n'importe qui d'accomplir les actes d'obéissance et les actes d'adoration sans aucune difficulté. Alors que dans le passé, certaines adorations étaient très difficiles et très lourdes, comme par exemple le fait d'arriver jusqu'à la Mecque pour faire le Hajj. Dans le passé, c'était un voyage rempli de dangers et qui pouvait prendre des mois et qui nécessitait beaucoup de biens et beaucoup de forces physiques et qui impliquait aussi de faire face à beaucoup de difficultés et beaucoup de dangers sur la route et sur le chemin. Tandis qu'aujourd'hui, ce voyage vers la Mecque est devenu quelque chose de très facile, qui a été facilité par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et par sa bonté, a rendu ce qui était difficile facile pour nous. Et maintenant, vous pouvez arriver à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la Mecque, la Kaaba, al-Musharrafa, avec toute facilité et sans dépenser trop de biens et trop d'argent. Et vous avez pour y arriver toutes sortes de moyens de transport qui sont confortables et reposants. Et donc vous pouvez faire un hajj dans toute l'aisance et la facilité possible. Alors soyez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala de cette grâce et profitez-en et profitez des bonnes occasions pour faire le bien et précipitez-vous vers ces occasions. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le hajj obligatoire pour vous. Alors, faites cette obligation et si vous l'avez déjà accomplie, eh bien, rien n'empêche, ou rien ne vous empêche de le refaire encore, puisque ce sera un surplus de bonne œuvre et de bonne action, et qui va venir compléter ou parfaire le hajj obligatoire que vous avez déjà accompli. Et sachez que le hajj est obligatoire pour le musulman lorsque quatre conditions sont réunies. Parce que certains musulmans, malheureusement, étant donné qu'ils ont entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que l'islam est bâti sur cinq piliers, et que le hajj est mentionné en cinquième, et que c'est une fois dans la vie, alors les musulmans, beaucoup de musulmans s'imaginent qu'on peut le laisser jusqu'à lorsqu'on devient très vieux, puisque c'est obligatoire seulement une fois dans la vie, et donc il n'y a pas besoin de se précipiter à le faire. Mais cette compréhension du hajj et de son obligation est une fausse compréhension. C'est une compréhension erronée. Puisque le hajj est obligatoire pour le musulman à partir du moment où il a réuni les conditions pour que le hajj soit obligatoire. Et s'il a réuni ces conditions-là et qu'il le retarde sans excuse valable, alors dans ce cas, il commet un péché pour l'avoir retardé. La première condition, c'est que la personne qui doit faire le hajj pour que ce soit obligatoire pour lui, c'est qu'il ait atteint l'âge de la puberté. Et à partir du moment où il a atteint l'âge de la puberté, eh bien, c'est une des conditions qui fait que le hajj est obligatoire pour lui. Si la personne ou l'enfant est petit et que les parents vont avec un enfant pour faire le hajj, eh bien, la récompense, il aura la récompense, mais ça ne comptera pas pour lui comme un hajj obligatoire, s'il n'a pas encore la puberté. Ça veut dire que même s'il a fait le hajj durant son enfance, et que ses parents l'ont amené pendant qu'il était petit pour faire le hajj, il devra le refaire plus tard, lorsqu'il aura atteint la puberté. Et ses parents auront une récompense pour lui, puisque c'est eux qui l'ont amené avec lui, avec eux, pour compléter ce hajj. Donc ils auront une récompense pour l'enfant aussi. La deuxième condition pour que le hajj soit obligatoire, c'est que la personne soit une personne qui a sa raison. C'est-à-dire que si c'est une personne qui est folle ou qui est déficiente intellectuelle au point où elle ne réalise pas ou elle ne comprend pas qu'est-ce qu'elle fait, alors dans ce cas-là, le hajj n'est pas obligatoire pour cette personne. La troisième condition, parmi les conditions pour que le hajj soit obligatoire pour une personne, c'est qu'elle soit une personne libre. Et si la personne, c'est-à-dire si elle est un esclave, alors si on peut l'acheter et la vendre, alors dans ce cas-là, le hajj n'est pas obligatoire pour cette personne. Et la quatrième condition, c'est que la personne ait la capacité de faire le hajj. C'est-à-dire la capacité financière, économique, et la capacité physique, corporelle. Et donc, elle doit réunir ces deux capacités ensemble. Donc, si la personne n'a pas la capacité financière de faire le hajj, elle ne peut pas, par exemple, se payer le voyage, elle est pauvre, alors, dans ce cas-là, le hajj n'est pas obligatoire pour cette personne. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à ce sujet, il dit, et le hajj est une obligation vers la maison, c'est-à-dire al-bayt, c'est-à-dire la Kaaba, pour celui qui en a les moyens, qui a la capacité. Man istata'a ilayhi sabila. Et donc celui qui est pauvre, et qui n'a pas les moyens de transport, il est excusé. Et il n'est pas obligatoire pour lui de faire le hajj. Si la personne possède des dettes, donc elle ne peut pas faire ce voyage-là parce qu'elle a des dettes, alors elle doit payer ses dettes en premier et par la suite faire le hajj. Parce que le fait de payer ses dettes est prioritaire. Et parfois aussi, si la personne a des dettes envers quelqu'un, elle peut demander à la personne la permission. C'est-à-dire la personne à qui elle a une dette, elle peut aller voir cette personne et lui dire « je voudrais faire le hajj. Est-ce que tu me permets, malgré que je te dois de l'argent, mais est-ce que tu me permets de faire le hajj ?» Et si la personne envers qui tu as la dette te permet, dans ce cas-là, oui, tu peux. Mais si la personne dit « non, je veux mon argent », alors tu dois lui remettre son argent avant de faire ton hajj. Si la personne a une incapacité physique, elle a l'argent, mais elle n'a pas la capacité physique, la force physique, alors dans ce cas-là, il y a différents cas. Soit qu'elle a une incapacité physique, mais que cette incapacité physique n'est pas permanente. C'est-à-dire que on espère que la personne va guérir. Dans ce cas-là, elle doit être patiente et attendre jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Toutefois, si la personne elle a une maladie ou elle a atteint un âge où elle ne peut plus faire le voyage et qu'elle a de l'argent, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Si c'est une maladie dont elle n'espère pas la guérison, elle peut donner à quelqu'un de l'argent qui va aller faire le hajj pour elle, à sa place, en son nom. Bien entendu, la personne qui va faire le hajj à sa place et en son nom, une condition pour ça, c'est que cette personne ait déjà accompli le hajj pour elle-même. Par exemple, si moi je dois aller faire le hajj pour quelqu'un qui est malade et que je n'ai pas moi-même fait mon hajj obligatoire, je n'ai pas le droit de le faire pour quelqu'un d'autre jusqu'à ce que j'ai fait mon propre hajj obligatoire pour moi-même en premier, et après je peux faire le hajj pour quelqu'un qui est incapable physiquement de le faire. Il me donne l'argent et je vais faire le hajj pour lui en son nom. Donc ça, c'est les questions qui ont rapport avec la capacité. Et donc ça, c'est les quatre conditions réunies. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a des musulmans qui ont l'argent, qui ont la capacité physique et qui ont toutes les conditions réunies. Et chaque année, ils laissent le hajj passer et souvent même, ils vont aller faire des voyages dans leur pays d'origine, peut-être faire des vacances dans leur pays d'origine, ramener des cadeaux pour la famille. Tout ça, c'est bien. Mais la priorité vient à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir le cinquième pilier de l'islam qui est le pilier du hajj. Tu n'as pas le droit de le retarder à une année plus tard si tu as la capacité et que tu as les conditions réunies. Dans ce cas-là, ton premier devoir et ta première obligation, c'est d'accomplir ton hajj le plus vite possible. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir de toute façon. Tu ne sais pas si tu vas mourir cette année ou bien l'année prochaine. Ou même tu ne sais même pas si tu vas mourir demain ou aujourd'hui. Donc comment tu peux laisser passer les années et attendre pour accomplir une obligation dans ta religion alors que tu as toutes les conditions réunies et que tu ne peux pas garantir que tu vas vivre après demain? Donc ça, c'est un rappel. Et il y a une autre condition également pour la femme qui veut accomplir le hajj, c'est qu'elle doit avoir avec elle un mahram. Un mahram, c'est-à-dire un homme avec qui elle n'a pas le droit de se marier de façon permanente, et elle voyage avec lui pour faire son hajj. Elle ne peut pas voyager seule parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Ici en avant, il y a beaucoup d'espace vide et les frères derrière sont serrés. Essayez de vous approcher un peu pour faire un peu d'espace pour les frères qui sont en arrière. Donc le mahram, c'est la personne avec qui la femme n'a pas le droit de se marier de façon permanente. Comme par exemple, soit par les liens de sang, à cause des liens de sang, ou soit à cause des liens de l'allaitement, un frère de lait ou sœur de lait. Al-Musahara, c'est-à-dire lorsque quelqu'un s'est marié avec, par exemple, sa mère, disons, un homme s'est marié avec sa mère, la mère de cette femme, alors si son père est mort ou bien est divorcé, sa mère s'est remariée avec un homme, cet homme, après le mariage, il devient un mahram pour cette femme. Également, il y a bien entendu le père, le grand-père, le fils, le frère, le fils du frère, l'oncle, l'oncle paternel et l'oncle maternel. Également, le père du mari, et également son fils et le mari de la fille, même si Nazalat, et également le mari de la mère, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des gens qui sont considérés comme des maharim pour la femme et avec qui elle a le droit de faire le voyage pour faire son hajj. Et la raison de l'interdiction de voyager pour la femme sans son mahram, c'est pour que ce soit une protection pour elle et pour éviter qu'elle soit, bien entendu, agressée ou harcelée pendant son voyage. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم في هذه الدنيا في دار ممر وما زلتم في سفر وأن إلى ربكم المستقر وأنها تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات ومن هذه المواسم شهر ذو الحجة فقد جمع الله فيه من الفضائل ونوع فيه من الطاعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض عشر ذي الحجة أيام الفاضلة الأيام الفاضلة التي عظم الله شأنها ورفع مكانتها وأقسم بها في كتابه فقال جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر فالليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة والشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله ففي البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الجهاد أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة أخرجه البزار وقال الهيثمي رجاله ثقات وصححه شيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فطوبى لعبد استقبل هذه الأيام بالتوبة الصادقة النصوح طوبى لعبد اغتنم مواسم الخيرات بالعمل الصالح الذي يقربه إلى ربه ويرفع درجته في الجنة ومما يشرع في هذه الأيام المباركة الصيام، فقد اتفق العلماء على استحباب الصيام العشر إلا يوم العيد. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في أيام العشر، والصيام من أفضل الأعمال. وآكد هذه الأيام يوم عرفة، فيشرع صيامه لغير الحاج، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. أخرجه مسلم في صحيحه. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Et sachez que nous approchons des 10 meilleurs jours de l'année, les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans son livre, la Sourate Al-Fajr, car il dit Wal-Fajr wa layalin ashr, par l'aube et les 10 nuits. Et il parle ici des 10 nuits de Dhul-Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les œuvres qu'on fait, les bonnes œuvres qu'on fait dans ces dix jours, sont meilleures que la lutte dans le sentier d'Allah. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari sur Abdullah ibn Abbas, qu'il a dit qu'il n'y a pas de jour dans lesquels on fait des œuvres, et que ces œuvres sont plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala que dans ces 10 jours. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, même le djihad fi sabilillah, et il a dit, même le djihad fi sabilillah, excepté pour un homme qui est sorti avec sa personne et ses biens et qui n'est revenu avec rien du tout. Et selon Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs jours de cette vie sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et ça, c'est un hadith qui est authentifié. Et donc, faites des efforts pour profiter de ces 10 jours. Et parmi les choses qui sont recommandées pendant ces 10 jours, de faire le jeûne. Hein? Et en particulier, le jeûne du jour de Arafah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de celui qui jeûne le jour de Arafah, qui ne fait pas le hajj, parmi ceux qui ne font pas le hajj, il a dit, celui qui jeûne ce jour, eh bien, il sera pardonné pour les péchés qu'il a fait l'année passée et l'année suivante. L'année qui vient. Donc ça, c'est des choses pour nous encourager à accomplir des bonnes œuvres durant ces jours des 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Allahumma a'izz al-Islam wa al-Muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wa al-Muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wa al-Muslimin. Wa adhill al-Shirk wa al-Mushrikin. Wa dammir a'da' al-Din. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، ويعني اجعلنا من الذين يحجون ويستفيدون من بهذه الأيام العشر بالأعمال الخير وأعمال الطاعات، وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا، سووا صفوفكم، سدوا الفرج، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حادوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى